fan madaba. Ching, ching, chong. Ma ke foutu coup de fouk. Bouge comme à la maison. Ma ke foutu coup de fouk. Blablabla sur la basse. Il faut chauffer les macos. Sans moins loup ou ni maldo. J'aime quand tu te baisses. T'as tout ce qu'il faut. Un gros minou, un joli gigot. Mina si, mina ou. Ma qui te bébé. Mina si, mina ou. Baby, you want it there? Amada, y'a des sucres. J'aime les poum poum hot. Et quand tu vois c'est comme mon truc. Pourquoi ben moi y'a vie fuck. Non non non non. Fuck Amada, y'a des sucres. Neuf, c'est neuf, c'est neuf. J'aime les poum poum hot. Neuf, oh, neuf. Et quand tu vois c'est comme mon truc. Neuf, neuf, neuf, neuf. Pourquoi ben moi y'a vie fuck. Neuf, neuf, neuf. Mon cabaye, tout cas boss gun. Boss gun, tout cas toi et mon cas gunshot. Gunshot, bad bitch like boss gun. Boss gun. Check it, hey. Call out, pull up, DJ one track. Break it, hey. Move up, hey, hey. Let me see your gunshot. Foot from Madaba. Ching, ching, chong. Ma ke foutu coup de fouk. Bouge comme à la maison. Ma ke foutu coup de fouk. Vex, vex. J'évacue mon stress, Sex, sex, sex. Secouer les fesses, bluff, bluff, bluff, bluff, bluff, bluff. J'ai fait ma couche, couche. Pourquoi trouver moi louche? Moi, mes femmes, j'avais tout homme qui aimait bug, bug, bug. Allo la lune, abak à ton ton, abak à ouais, y'a trop coûte. Hôtel et tout, femme, j'avais tout homme qui aimait bug, bug. Allo la lune, abak à ton ton, abak à ouais, y'a trop coûte. Mouka bay tout ka bon skoun. Bon skoun tout ka toi et mouka gun shoot. Gun shoot bad bitch like shata dem. Shata bad bitch like shata dem. Shata mouka bay tout ka bon skoun. Bon skoun tout ka toi et mouka gun shoot. Gun shoot bad bitch like shata dem. Shata bad bitch like shata dem. Shata foot from Madaba. Ma ke foutu coup de fouk. Bouge comme à la maison. Ma ke foutu coup de fouk. She a killing anything. Breakdown. Reading, reading. Right now. Chilling, chilling. Everyone, let's sing. Baggy top a la sing qua. Sing qua. Bano bonda da. Bonda. A toka controller. Yeah, me gangsta. So qua qua. So qua. Muka bay toka boss gun. Boss gun. Toka twine muka gunshot. Gunshot. Bad bitch like boss gun. Boss gun. Foot from Madaba. Ching, ching, chong. Ma ke foutu coup de fouk. Bouge comme à la maison. Ma ke foutu coup de fouk. Ma ke foutu coup de fouk. Ma ke foutu coup de fouk.